Salut à tous et à toutes ces générations manga, épisode 486. Dimanche prochain, c'est la fête de la musique. Donc on va se mettre tout de suite dans l'ambiance en chantant pendant cette prochaine heure qui suit. Quelques titres, quelques génériques. Et pour ce faire, vous pouvez intervenir, vous pouvez participer. Oui, parce que vous pouvez me demander quelle chanson vous voulez que j'interprète. Eh ben oui, c'est un petit peu ça l'idée aussi. Donc pour ce faire, le 06 17 54 07 19. 06 17 54 07 19, vous m'envoyez un SMS, c'est pas surtaxé, hein, c'est un téléphone normal, hein. Et vous me dites qu'est-ce que vous voulez que je vous chante en générique français, de générique de dessin animé, et puis dans la mesure du possible, si je les connais, si j'ai, je vous fais. Mais rassurez-vous, j'en ai pas mal quand même, hein, sous le capot, y a pas de problème. Donc, j'ai d'ores et déjà quelques petites dédicaces, puisque j'avais fait une annonce sur Facebook. Je vous ferai ça, les amis, Émilie, Laurent, tout ça. Mais on va commencer tout de suite par une chanson originale, puisqu'il s'agit en fait du générique japonais de Lady Oscar, Versailles Nobara, dont j'ai écrit une version française, donc en partant du principe que c'est André Grandier, qui chante la chanson. Donc, je vous la refais, parce que j'avais fait ça il y a quelques temps. On va essayer de la faire bien jolie et tout, c'est parti. Ça s'appelle donc « Viens à moi ». Venez à moi pour vos dédicaces, n'hésitez pas. Et après, c'est à vous de jouer, c'est pour vous que je chanterai. C'est parti. Puissant amour, pourquoi l'ignorer? J'aimerais tant pouvoir le crier. Oh, toi qui es ma rose adorée, ne laisse pas le bonheur s'envoler. Viens à moi, oh, ne serait-ce qu'un instant. Viens à moi, arrêtons le cours du temps. Je me suis engagé pour être à tes côtés et te protéger. Je voudrais t'aimer, mais je suis soldat et seul mon épée doit compter pour moi. Ce puissant amour, pourquoi l'ignorer? J'aimerais tant pouvoir le prier. Oh, toi qui es ma rose adorée, ne laisse pas le bonheur s'envoler. Viens à moi, oh, ne serait-ce qu'un instant. Viens à moi, arrêtons le cours du temps. Ce puissant amour, pourquoi l'ignorer? J'aimerais tant pouvoir le crier. Oh, toi qui es ma rose adorée, ne laisse pas le bonheur s'envoler. Viens à moi, oh, ne serait-ce qu'un instant. Viens à moi, arrêtons le cours du temps. Viens à moi, oh, ne serait-ce qu'un instant. Viens à moi, arrêtons le cours du temps. Voilà. Ah, je me suis un petit peu trompé dans les paroles quand même. J'en ai loupé. Hein. Je ne suis qu'un valet, j'ai oublié, je l'ai bouffé. Ah bah oui, je la chante jamais, hein, qu'est-ce que vous voulez. Donc, c'était de mémoire, voilà. Je la ferai mieux. En tout cas, par contre, j'ai aucun problème sur d'autres chansons, bien entendu, que je connais par cœur et repar cœur et même plus que par cœur. Donc, je vais pouvoir vous faire tout de suite les premières dédicaces que l'on m'a demandées. Alors, la première, c'est Émilie qui m'a demandé de lui faire Goldorak, la légende d'Actarus. Si je ne me dis pas de bêtises, je vais revérifier pour être sûr de ne pas me tromper parce qu'il y a moult générique de Goldorak. Oui, la légende d'Actarus. Donc, la légende d'Actarus qui était interprétée donc, par Jean-Pierre Savelli, hein, le Peter de Peter et Sloan. Besoin de rien, envie de toi. Je la connais aussi, mais bon, je ne peux pas vous la faire. Hein. Donc, c'est ça que je vais faire dès que je l'aurai trouvé dans mon bazar. Parce qu'il y a moult chansons. Bien sûr, je ne vais pas l'avoir tout de suite là maintenant sous la main, ça serait trop facile. Donc, il faut que je la cherche plus avant. Alors, je vais vous mettre une autre chanson en attendant que je la trouve. Ne t'impatiente pas, Émilie, je vais te la faire, il n'y a pas de souci. Et en attendant que je la trouve, donc je vais vous mettre... Je vais vous mettre Les Anges dans nos campagnes, interprété par Bernard Minet, qui sera à Rion ce dimanche pour les génériques vous interpréter. Oh, oh, oh. Ah ouais, bah moi je suis comme ça, moi. Hein. Donc, je vous rappelle donc que le 21 juin, donc dimanche, là, pour les Clermontois, il y aura moi. Et pour les Riomois, il y aura Bernard Minet et Astéro H qui seront près du Players Bar. Donc, de quoi bien s'amuser. Faut espérer qu'il pleuvra pas. Allez, Les Anges dans nos campagnes. Et je vous reviens après avec la légende d'Actarus. Voilà. Unissez-vous à leur concert et que tendre musette fasse de temps en tire les airs. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Garde encore la trace du prince Actarus. Il rêvait de notre terre, la planète bleue, dont il voyait la lumière à 100 000 lieues. Là-haut, là-haut, loin dans les étoiles, la grande guerre éclata. Et ce fut l'assaut final de ceux de Vega. Actarus alors s'enfuit, vaincu solitaire. à travers les galaxies de notre univers. Dans son merveilleux robot de lumière et d'acier, ce chevalier des temps nouveaux se bat pour l'humanité. Actarus à bord de Goldorak, voici la légende que l'on va vous raconter. Là-haut, loin dans les étoiles, la grande guerre éclata. Et ce fut l'assaut final de ceux de Vega. Actarus alors s'enfuit, vaincu solitaire, à travers les galaxies de notre univers. Dans son merveilleux robot de lumière et d'acier, ce chevalier des temps nouveaux se bat pour l'humanité. Actarus à bord de Goldorak, voici la légende que l'on va vous raconter. Et ensuite, on enchaîne avec une dédicace pour Laurence et Capitaine Flamme, version AB Production par Bernard Minet. Loin dans les étoiles. Capitaine Flamme, c'est pas celle-là. Vous inquiétez pas, hein, ça peut arriver. Allez, c'est parti. Capitaine Flamme, version AB. Par-delà les frontières du vide galactique, de tous les héros, c'est toi le plus fantastique. Capitaine Flamme, Capitaine Flamme, tu nous fais rêver. Tu n'as peur de rien et personne ne te résiste. De tes ennemis, tu retrouves toujours la piste. Capitaine Flamme, Capitaine Flamme, viens nous délivrer. D'une étoile à l'autre, tu vas sans répit pour défendre notre liberté chérie. Tu triompheras des méchants de tout l'univers. Tu feras briller un jour toute la lumière. Capitaine Flamme, Capitaine Flamme, poursuis ton combat. Et le jour viendra où enfin pour l'éternité l'univers entier connaîtra bonheur et paix. Capitaine Flamme, Capitaine Flamme, grâce à toi. ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta les maîtres de l'univers. Humaine. Humaine. 15 à 0. Humaine. Na na na na na. Humaine. Na na na na na. Raon, plus vite que le vent, plus fort que toutes les vagues de l'océan, toujours plus loin, Raon. Raon, l'enfant de tous les hommes, apprends et donne ton savoir. Bats-toi, invente-nous des mondes plus grands, toujours plus beaux, Raon. Crie par-dessus l'ouragan, bats-toi face au géant. Seul parmi les grands sorciers, que ta voix chante la liberté. Crie l'horreur, la faim, le sang, crie l'oubli, ta vie est un cri, Raon. Raon, oublie les temps farouches, la peur plus sombre que la nuit. Tu vois s'étendre dans la lune si ronde tout le sourire du monde. Raon, si le soleil se cache là-bas, très loin dans sa tanière, descends profond sous les rayons du couchant, plonge dans sa lumière. Seul perdu dans la nature, tu te bats, fils des âges obscurs. Marche dans la nuit des temps, la vie est un défi constant. Crie plus fort, combat la mort, crie ton corps, la vie est un cri d'enfant. Raon, oublie les hommes farouches, tu cours comme un enfant perdu. Ton cœur, plus chaud que tous les feux d'un volcan, brûle d'un d'un espoir plus grand. Ah, si le slam préhistoire, des hommes racontent les victoires. Victoires nombreuses comme les cailloux d'un torrent, comme la mémoire du temps. Va toujours plus loin, Raon. Va toujours plus haut, Raon. Tu veux tout savoir, Raon. Ta vie est un cri, Raon. Dis pourquoi le jour, la nuit. Pourquoi l'eau, le feu, la terre. Et pourquoi le vent, la pluie. Pourquoi tous ces grands mystères. Va toujours plus loin, Raon. Va toujours plus haut, Raon. Tu veux tout savoir, Raon. Est un cri. Une ombre file dans la nuit. C'est un assassin qui s'enfuit. Et comme un démon il sourit. Son crime restera impuni. Une voiture qui surgit. Un coup de frein, des pneus qui crient. Un coup de feu qui retentit. La justice s'appelle Nicky. Dans la chaleur de la nuit, le mal est toujours puni. Aucun danger ne l'impressionne. Les coulures il les affectionne. Et la justice le passionne. Nicky Larson ne craint personne. Lorsque les coups de feu résonnent comme un éclair, il tourbillonne. Surtout si la fille est mignonne. Nicky Larson ne craint personne. Nicky Larson, Nicky Larson. Comme un chasseur, il suit sa proie. Pour que la justice et le droit triomphent, il est prêt à donner toute sa vie sans hésiter. Quand sa silhouette apparaît, les méchants se mettent à trembler. Ils savent qu'ils ne pourront jamais échapper à ce justicier. Dans la chaleur de la nuit, le mal est toujours puni. Aucun danger ne l'impressionne. Les coups durs, il les affectionne. Et la justice le passionne. Nicky Larson ne craint personne. Lorsque les coups de feu résonnent comme un éclair, il tourbillonne. Surtout si la fille est mignonne. Nicky Larson ne craint personne. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel. Cherche ton chemin, c'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du grand condor, tu recherches les cités d'or. enfant du soleil. Ton destin est sans pareil, l'aventure t'appelle, n'attends pas et cours vers elle. Esteban Zia, Tao, les cités d'or. Un cri d'amour vient de l'infini, je ne sais pas d'où, je ne sais pas qui, mais j'irai au bout de l'univers pour enfin répondre à sa prière. Pour l'amour et sa gloire, sa force et son pouvoir, moi je peux tout faire, moi j'ai le pouvoir. Un jour tu es venu vers moi, en m'offrant ton cœur et tes bras. Tu parlais de paix dans les étoiles, pour l'éternité fédérale. Pour l'amour et sa gloire, sa force et son pouvoir. Moi je peux tout faire, moi j'ai le pouvoir. Dans l'immensité des galaxies, c'est notre guide à l'infini. Il ne lui manque pour toujours, il a un seul nom, c'est l'amour. Pour l'amour et sa gloire, sa force et son pouvoir, nous pouvons tout faire, tout l'univers a le pouvoir. L'amour et sa gloire, sa force et son pouvoir. Moi je peux tout faire, moi j'ai le pouvoir. Pour l'amour et sa gloire, sa force et son pouvoir, nous pouvons tout faire, tout l'univers a le pouvoir. Enfant de la terre, écoute-moi. Toi qui as le secret du chagma, dans toutes les strates et les mondes engloutis, suis Spartacus, Bob, Rebecca. Oh vous, enfants de lumière, suivez-moi. Vous qui connaissez notre passé, vers Arcadia, vers les mondes engloutis, pour nous sauver la vie. Suis les mondes engloutis jusqu'au creux de la terre. Enfant, va et vole avec nous au fond des univers. Enfant, suis les mondes engloutis jusqu'au creux de la terre. De la nuit, de la mer et du temps, revis les légendes que porte le vent. Va vaincre le mystère, la faim, l'eau froide. Suis Spartacus, Bob, Arcana. Oh toi, enfant du ciel, marche sans effroi. Dis-nous que demain il revivra. Sors le chagma, le soleil de l'oubli, des mondes engloutis. Suis les mondes engloutis jusqu'au creux de la terre. Enfant, va et voilà. avec nous au fond des univers. Enfin, suis les mondes engloutis jusqu'au creux de la terre. Spécial fête de la musique sur Génération Manga aujourd'hui. Si vous voulez que je vous chante une chanson en particulier, n'hésitez pas. 06 17 54 07 19. 06 17 54 07 19. Vous m'envoyez un SMS et si je l'ai sur la place, bah, je vous la mets et je vous la chante. Tout de suite, c'est Les Mondes Engloutis et on se trouve après avec le générique de fin de Tom Sawyer. Suis les mondes engloutis jusqu'au creux de la terre. Enfin va et vole avec nous au fond des univers. Oh, comme trois pommes, Tom Sawyer est un joyeux garçon qui n'aime pas l'école et préfère pêcher des poissons. Il a fière allure, les pieds nus, il marche dans la vie, rêvant d'aventure sur les bords du Mississippi. Ses copains, c'est Huckleberry, Joe et Jim et le monde. La maison, c'est Sid et Mary et tante Polly qui gronde. C'est un cœur à prendre, Amy et Becky le savent bien. Un dur au cœur tendre, Huck, Mary et Becky Thatcher. Tante Polly et Joe Harper, c'est le petit monde de Tom Sawyer. Oh, comme trois pommes, Tom Sawyer rêve de liberté. Il ne craint personne, faut pas lui marcher sur les pieds. Il n'est pas bien riche, dans ses poches des trésors en braque. Oui, mais Tom s'en fiche, il a plus d'un tour dans son sac. Il est clown ou Robin des Bois, général ou pirate. Avec lui, les rêves sont rois et partout la joie éclate. Oh, comme trois pommes, il est plus malin que Joe l'Indien. Un sacré petit homme, Huck, Mary et Becky Thatcher. Tante Polly et Joe Harper, c'est le petit monde de Tom Sawyer. Tom Sawyer, c'est l'Amérique, le symbole de la liberté. Il est né sur les bords du fleuve Mississippi. Tom Sawyer, c'est pour nous tous un ami. Il est toujours prêt pour tenter l'aventure avec ses bons copains. Il n'a peur de rien, c'est un Américain. Il aime l'école, surtout quand elle est loin. Tom Sawyer, c'est l'Amérique, le symbole de la liberté. Il est né sur les bords du fleuve Mississippi. Tom Sawyer, c'est pour nous tous un ami. Tom Sawyer, c'est l'Amérique, pour tous ceux qui aiment la vérité. Il connaît les merveilles qui sont dans la forêt, les chemins, les rivières et les sentiers. Dans la nuit et ses mystères, quand les ombres font peur, le pouvoir de la lumière éclairera ton cœur. N'abandonne pas, si t'es fort, tu auras tout le pouvoir. Garde à toi, tu survivras. C'est la force qui est en toi. Crie très fort et n'oublie pas, un tic te protégera. Un secret des jours anciens raconte une belle histoire. un pour tous et tous pour un. Combattant pour la gloire, n'abandonne pas, n'abandonne pas. Si tu es fort, tu auras tout le pouvoir. Garde à toi, tu survivras. C'est la force qui est en toi. Crie très fort et n'oublie pas, un tic te protégera. Papa est parti à la guerre, ses enfants pleurent tout bas. Dans la maison, maman s'affaire, inquiète et songe parfois que la vie avec peu d'argent sera dure à supporter. Mais elle sait que sur ses enfants, une maman peut compter. Les quatre filles du docteur March étaient sages comme des images, toujours unies dans les joies, les peines, aucune n'était vraiment la même. Les quatre filles du docteur March aimaient danser, jouer et chanter, mais en secret elles rêvaient aussi de trouver un jour un mari. Rêver d'aventure extraordinaire, vivre à toute allure, prendre un pied d'enfer et tout autour du monde à traquer les mauvais. Ce qu'on affronte, ça que l'on est, Spirou, héros dans l'âme, battant. Partant assez fou pour braver les flammes, même contre vents et marées. Spirou, héros dans l'âme, battant, partant assez fou pour braver les flammes, même contre vents et marées. Donc vous voyez, on mélange tout, hein. On ne recule devant rien. Les chansons récentes, les chansons vieilles, tout est prêt pour la fête de la musique. N'oubliez pas le 21 juin à Clermont, au-dessus du pont de Jaune, normalement si tout va bien. Donc n'oubliez pas 06 17 54 07 19 pour vos dédicaces, 06 17 54 07 19. Et on envoie du bois. Hein. Et là qui va là? Et là ça va pas? Là, je suis là, Inspecteur Gadget. C'est moi que voilà, Inspecteur Gadget. Ça va être la joie. Si au nom de la loi, moi je vous arrête. Je vous arrête là. En traversant le ciel, j'ai enfin ouvrira tes ailes. Le temps est venu de nous combattre, d'éloigner les ténèbres. J'ai recherché la liberté pour t'aimer tout simplement. J'ai souvent changé le temps pour ne pas t'oublier. Mais dans l'ombre où je m'enfuis, je ne sais plus qui je suis. J'ai entendu cette voix, j'ai trouvé la lumière. Traversant le ciel, j'ai enfin ouvert mes ailes. Car nous sommes unis par le destin, nous le tenons dans nos mains. Nous défierons le temps au plus profond des ténèbres. Face à l'avenir, nous pourrons choisir en dépassant le rêve. Justicier, masque parté pour sauver la paix. Des guerriers, ils accompliront leur mission.

travers les cieux, laisse passer le temps. Un vaisseau s'en vient, Ulysse. Contre lui des dieux, des pièges géants. C'est l'Odysseus, Ulysse. Ulysse revient, et c'est un bien long chemin. Ulysse revient, il lutte pour son destin. Salut, c'est moi, Nono, je suis le robot héros, cadeau d'Ulysse pour Télémax, son fils. Je vis dans un grand vaisseau, comme un poisson dans l'eau, avec Thémis, Télémax et Ulysse. Ulysse revient, Ulysse revient. Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre galaxie, mais du fond de la nuit. Capitaine Flamme, d'aussi loin que l'infini, tu descends jusqu'ici pour sauver tous les hommes. Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre voie lactée, mais tu as traversé. Capitaine Flamme, 100 000 millions d'années pour sauver de ton bras les gens de Mégara. Il y a dans ton cyberlab et dans ton cosmolène ton petit copain Ken. Il y a aussi, tu vois, ta douce amie Joanne, frégolo et mala, qui ne te quitte pas. Elle aime bien la vie, Sandy, dans son joli pays, Sandy, avec tous ses amis, Sandy. Elle s'amuse, elle rit, Sandy, mais elle rêve, elle espère vivre heureuse avec le garçon qu'elle préfère. Elle est toujours la première, généreuse et sincère. Va Sandy, Sandy sans doute, va Sandy, tu suis ta route. Fais ton chemin et boucle tes valises pour que ton rêve se réalise. Va Sandy, Sandy sans doute, va Sandy, tu suis ta route. Pour que ton rêve se réalise, fais ton chemin, boucle tes valises. Si tu veux gagner le bonheur, écoute ton cœur. Illumine les chemins obscurs de l'univers. Va, Jess, conquérant de demain. La racine que tu portes à ton cœur doit s'unir à celle que porte ton père. Va, Jess, conquérant du bonheur. Viens libérer le monde de la terreur des monstres blancs. Une force en flamme qui brûle tout au fond de toi. Et l'espoir qu'un jour tu nous rendras la joie. Mais si tu ne perds pas la foi, tu trouveras la voie. Toi, Jace, conquérant de la lumière, tu dois conquérir. Et la victoire viendra tout refleurir. N'abandonne pas, ne laisse pas ta foi mourir. Parce qu'un jour tu gagneras. Jess conquérant, le monde t'attend, fier et combattant, tu défies les méchants. Jess conquérant, le monde t'attend, tu dois sauver ton temps et l'univers. Jess conquérant, le monde t'attend. Mon père et ma mère quitter leur pays avec moi et mes frères pour changer leur vie.

de la liberté.